Merci Baptiste Brunello et ton équipe pour m'avoir filé le fichier de ce qu'on va entendre là, dans ce micro ouvert. Et donc j'explique, parce que oui, c'est chouette quand même que les gens le sachent, quoi. Voilà, il y avait une radio sur Internet, revers.be, voilà, c'est comme ça qu'elle s'appelle, cette radio sur Internet, qui enregistrait, elle, en live, la soirée. Et donc j'ai demandé si c'était possible de récupérer le fichier. Et ils m'ont dit oui. Merci, merci, merci. Encore merci. j'ai pu, donc moi, être spectatrice de la soirée, là, que vous allez entendre et que moi j'ai réécouté du coup je pourrais dire c'est parti, mais j'ai aussi envie de rajouter que ça se voit pas évidemment, hein, ça se voit pas parce que c'est du son. Déjà je pense que l'image on le voit un peu plus parce qu'il y a des décors, il y a des bricolages, il y a de la préparation assez dingue, hein, voilà, c'est ça que je voulais dire, il y a une organisation de dingue pour cet événement. Et oui, c'est, j'ai pas encore dit c'était quoi cet événement, mais les choses sont bien expliquées dans la suite de ce micro ouvert, vous allez entendre. Mais en tout cas, l'idée, c'est ça s'appelle comme ça, c'est un débattorium à l'université de Namur, et c'est le réseau wallon de lutte contre la pauvreté qui met ça en place. Et ouais, une organisation de dingue. Et aussi, je suis spectatrice, en effet, j'ai rien fait, hein, je donne juste mon avis comme ça, je donne juste, comment dire, une pensée quand je regardais tout ce bazar là, toute cette soirée, qu'on aura envie de demander des comptes en fait, hein, à tous ces politiques qui étaient là, à tous ces représentants politiques, c'est comme ça qu'ils s'appellent, hein, ce sont les représentants du peuple, et à la place de qu'est-ce qu'ils vont faire dans le futur, c'est qu'est-ce que vous avez fait clairement, concrètement, depuis la dernière législature, quoi, voilà. Allez, c'est parti. Pourquoi les hommes dorment dans la rue, maman, sur de vieux journaux qui ne parlent que d'argent, du cours de l'or, de la bourse, des princesses et du loto, sous l'homme qui dort sur un trottoir avec son chien et son couteau. Ça sert à quoi de partir sur la lune en bateau quand on a pour habiter sur la terre que son manteau? Ça sert à quoi de bâtir des cathédrales, des cachots, tant que chacun chez nous n'a pas le droit d'au moins dormir au chaud? Pas sur les bancs de cachot, dormir au chaud. Pas dans des lits d'hôpitaux, des dortoirs, des entrepôts, dormir au chaud. Avoir un vrai chez-soi, un vrai boulot, dormir au chaud. Avec chaque soir sa peau sur ta peau. Pourquoi les hommes tombent dans la rue, maman, devant ces maisons vides qu'on laisse pourrir pour l'argent? Ça sert à quoi de construire encore un seul bureau tant que le droit de dormir chez soi comptera pour zéro? Ça veut dire quoi, démocratie, économie de marché, quand toutes tes économies c'était de pied pour marcher? Ça veut dire quoi d'aller voter, de payer des impôts, tant que chacun chez nous n'a pas le droit d'au moins dormir au chaud? Pas sur les bancs d'un dépôt, dormir au chaud. Pas dans des lits d'hôpitaux, des dortoirs, des entrepôts, dormir au chaud. Avoir un vrai chez-soi, un vrai boulot, dormir au chaud. Avec chaque soir sa peau sur ta peau. Pourquoi les hommes dorment dans la rue, maman, entre ces passants pressés qui vont bosser pour l'argent? Ça sert à quoi le progrès, les usines pleines de robots, quand les banques sont pleines de fric et les rues pleines de clodos? Ça sert à quoi la liberté, le commerce, les capitaux, quand la démocratie dort sur les bouches du métro? Ça sert à quoi de voir la misère dans des reality shows, si le soir même on ne fait rien pour que chacun puisse enfin dormir chaud? Pas sur les bancs d'un cachot, dormir au chaud. Pas dans des lits d'hôpitaux, des dortoirs, des entrepôts, dormir au chaud. Avoir un vrai chez-soi, un vrai boulot, dormir au chaud. Avec chaque soir sa peau sur ta peau. Pourquoi les hommes dorment dans la rue, maman? Pourquoi les hommes dorment dans la rue? Pourquoi les hommes dorment? Merci. C'est la chorale Charivari. Alors un énorme merci à Claude Semal, à la chorale Charivari, d'introduire ce qui est d'habitude un débat assez classique à l'intérieur d'un auditoire universitaire qui, Dieu sait s'il y a parfois besoin de réchauffer le lien entre le cerveau et la qualité de la culture et de la créativité et de la création, et Dieu sait s'il y a besoin aussi de relier tout ce qui est le terreau qui naît de cette création avec l'autorité politique, avec les autorités politiques, et de remettre le sensible au cœur des débats qui nous portent, puisque si on fait un débat aujourd'hui, un débatorium avec les témoins du vécu militant, avec vous la salle, c'est parce qu'on est convaincu que le combat contre les inégalités, ben, c'est remettre les hommes et les femmes au milieu et au cœur de la société pour tout ce qu'ils ont de potentiel puissant. Mais quand on les désarme en les laissant dans la pauvreté et les inégalités, ce potentiel puissant, même parfois de la création, eh bien, il s'effrite et il se fatigue. On est là pour en parler aujourd'hui. Et donc, merci encore à la chorale Charivari, à Claude qui nous l'a interprété. Et puis, rappelez aussi que cette chanson, elle date de 97. Et la situation existait déjà depuis longtemps. On est 27 ans plus tard. Donc voilà, réfléchissons à ce que cette chanson nous dit de structurel. Alors, on est ici ensemble entre les témoins du vécu militant qui sont là-bas, le politique, vous, le public, des personnes qui sont là devant nous, avec une réalité dure qu'on va approcher au cours de ce débat. Et puis, on a aussi dans la salle derrière vous, vous l'avez vu, des maisons, des lanternes, une très grande ordonnance là, de vivre mieux, la coalition santé fédérale, qui dit tout ce qu'il serait important de mener comme combat, et des tas de partenaires qui sont dans la salle avec nous aujourd'hui, qu'on remercie d'être là pour tout ce qu'ils vont apporter, qu'ils vont dire. Alors on est dans quelque chose aujourd'hui soir où il ne va pas y avoir un débat avec la salle, donc il ne va pas y avoir un question-réponse entre la salle et l'autorité politique, il va y avoir un dialogue entre ce qui est apporté par les témoins du vécu et quelques partenaires qui soutiennent la démarche du réseau Wallon de lutte contre la pauvreté et son combat, et l'autorité politique. Et puis quelques questions qui vous seront adressées. Mais l'intention de la soirée, c'est de partager beaucoup de choses, c'est de dire beaucoup de choses, c'est d'affirmer beaucoup de choses, c'est d'essayer de convaincre aussi sur l'importance de ce combat, et puis de vous entendre à partir de quelques questions. Mais pour se présenter, pour mieux se présenter, on va commencer tout de suite en donnant la parole à Anne. Bonsoir mesdames et messieurs et autres, installés dans le public, sur la scène. Bonsoir les associations, les citoyennes et les citoyens avec ou sans droit. Bonsoir mesdames et messieurs, les représentantes et représentants politiques. Le réseau Wallon de lutte contre la pauvreté, les témoins du vécu militant et militantes, les associations et l'équipe, nous sommes heureux et fiers de vous accueillir pour ce nouveau débatorium que nous vous avons mitonné avec amour et démocratie. en tant qu'association d'éducation permanente, le réseau Wallon se met à l'écoute des idées et des réflexions des témoins du vécu et nous aide à vous les présenter joliment sur un beau plat de service, histoire de vous mettre l'eau à la bouche. Il y a peu, les petits déjeuners politiques, c'était croissant, café et questions très pointues aux présidents de parti, directement rencontrés par les militantes de plusieurs associations. Nous estimons qu'il est de plus en plus important que les personnes d'en bas se penchent sur les questions qui les concernent, en débattent et puissent se faire entendre aussi en haut. C'est pourquoi nous vous demandons maintenant de nous impliquer aussi après les élections. La politique n'est pas seulement une affaire d'experts hors sol, c'est aussi l'affaire de personnes qui expérimentent un vécu d'en bas, un quotidien de terrain, parfois de boue et à leur corps défendant. Souvent, ce vécu s'avère difficile, laborieux, éloigné des droits, de l'aisance, du confort. Lutter pour survivre au milieu de tant de richesses demande de l'expertise aussi. Raison pour laquelle ce soir, nous témoignons collectivement et partageons notre expérience avec vous tous et vous tous. Alors on va inviter Françoise à poursuivre pour qu'elle nous dise pourquoi on est là aujourd'hui. Bonjour mesdames, messieurs. Moi, je n'aime pas trop le mot charité. Ça renvoie à l'idée de tendre la main, de devoir mendier. Qui aime ça ? Personne, je crois. Pas moi, en tout cas. Personne ne devrait se trouver dans cette situation de devoir tendre la main. Si on avait plus de droits, nous pourrions avoir accès à une meilleure alimentation, à un logement adéquat, une meilleure santé et prise en charge de tout ce qui est, par exemple, les soins dentaires. Cela semble anodin. J'ai des problèmes de vue. Je dois porter des lunettes par nécessité. Mes verres coûtent 800 euros. Pas possible pour moi de les donner. J'aurais été fière de pouvoir les payer moi-même. Mais à la place, j'ai dû aller demander de l'aide au CPS. C'est humiliant, vous savez. J'ai dû dévoiler ma vie de A à Z. Et j'ai dû justifier pourquoi j'avais pas les moyens sans être sûre que j'aurais de l'aide. Ils sont même venus chez moi voir comment je vivais. Normalement, je dois y retourner chaque année, mais j'attends plus longtemps. Parfois 5 ans, car je n'aime pas passer par là. Ce n'est pas aux citoyens de devoir trouver des solutions de bout de ficelle. C'est usant de toujours devoir chercher les meilleurs plans pour ne pas coûter trop cher à la société. Certains doivent faire la file au vu de tous pour aller chercher un colis alimentaire. Vous imaginez la honte que cela représente. Certains doivent mendier dans la rue pour s'en sortir, sans même un regard des passants. Il faut toujours se justifier pour tout, comme si nous étions des profiteurs et des voleurs. Parce que nous vivons dans la pauvreté, nous devons nous contenter de ce que l'on nous donne. Il y en a marre de la gestion de la pauvreté pendant que d'autres sont dans l'abondance. C'est à vous de faire en sorte que nous puissions vivre dans de meilleures conditions. Il faut de vraies mesures structurelles. Il faut arrêter de réparer avec des sparadraps. Il faut des droits. Il faut partager les richesses. Ce que nous voulons, ce sont des droits. Le pouvoir de vivre et le droit à l'aisance. Alors avant de poursuivre, maintenant que vous êtes avertis, ben on peut aussi vous accueillir en vous présentant à l'Assemblée, puisque tout le monde ne vous connaît pas nécessairement. Vous souhaitez peut-être que tout le monde vous connaisse, mais ce n'est peut-être pas le cas. Et vous êtes encore en campagne, donc voilà. Et donc, je vais commencer au bout, de ce côté-là pour le moment. Donc, il y a Georges Gilles Quinet qui est avec nous et qui représente le parti écolo. Xavier Gérard qui est à ses côtés, qui représente le MR, Sophie Merckx qui est à peu près au milieu avec son voisin qui représente le PTB, son voisin Julien Lemoine qui représente Défi, Fabien Martin qui représente le PS et Geneviève Lazaron qui représente les Engagés. Voilà, donc on est content de vous accueillir aujourd'hui pour cet échange, pour que vous entendiez, pour que vous partagiez des questions. On aurait pu vous faire le coup de vous dire, on ne va pas vous mettre une bouteille d'eau, mais on va vous proposer d'aller chercher une boisson suspendue quelque part dans une taverne de Namur parce que vous n'avez pas les moyens et donc vous auriez dû entrer en disant « je voudrais bien la boisson qui a été payée par un autre pour pouvoir me désaltérer, mais on a préféré quand même vous mettre une bouteille ». On aurait pu vous envoyer chercher un petit repas, un petit biscuit quelque part, aussi à Namur, pour pouvoir vous sustenter. Et aussi aller dire, il y a quelqu'un qui a payé un paquet de frites ou une pizza pour moi, mais on a été plus sympa que ça. On s'est dit, non, on va leur mettre un plateau, on va pas leur imposer ça. Comme on aurait pu vous dire, on va vous proposer d'aller chercher une chaise suspendue quelque part, que quelqu'un vous aurait réservée parce que vous n'avez pas les moyens de l'acquérir, mais on vous a quand même permis de vous asseoir sur une chaise. Mais ceci, c'est pour illustrer ce que Françoise vient de nous dire. Il y en a assez. Il y en a assez, évidemment, de la charité. Et évidemment, il n'y a pas à critiquer les citoyens qui se mobilisent parce qu'ils sont sensibles aux difficultés rencontrées au quotidien par les gens autour d'eux et qui mettent en place ces systèmes suspendus et toutes sortes d'autres aides. Mais on a à s'inquiéter fortement lorsque ça doit se déployer et qu'on n'entend pas et qu'on ne voit pas arriver les réponses structurelles qui permettent que ça disparaisse. Et c'est bien là l'enjeu de ce débat aujourd'hui et de pouvoir en parler. Alors, vous êtes aussi entourés, et je vais proposer à Guy et à Myriam de venir ici se mettre en place, et je vais me bouger un peu pour que ça se voit un peu mieux, mais vous voyez sans doute certains d'entre vous, pour vous les politiques, parce que c'est un peu dans votre dos, il faut bien le reconnaître, il y a là un ordinateur, un clavier, un guichet, et puis un téléphone rouge. Alors, ça a une signification, le téléphone rouge, mais si, on expliquera laquelle tout à l'heure. Et Myriam va venir et on va l'écouter. Excusez-moi, j'ai un formulaire à remplir. Mon ordinateur a bugué. Vous pouvez m'aider ? Je ne suis pas sûre, Myriam. Écoute, ils n'ont pas beaucoup de temps. On est dans un débat politique. Je ne suis pas sûre qu'ils vont y consacrer du temps. Va un peu au guichet. Il y a un guichet. Présente-toi au guichet. Ne fais pas la difficile. Tu vois bien qu'ils ont l'air embarrassés. Certains ont l'air de dire oui, d'autres non. Ils ne savent pas très bien. Donc, présente-toi au guichet. Bonjour, monsieur. J'ai un problème à mon ordinateur. Il a dû bugger. Mais j'ai un formulaire à remplir. Vous pouvez m'aider ? Bonjour, madame. Nous fermons dans 2 minutes. Je suis désolé, mais je ne pourrai pas vous recevoir. Je peux vous fixer un rendez-vous. Voyons. D'ici 3 mois. 3 mois ? C'est long. Vous vous rendez compte qu'une personne sur deux a des difficultés numériques ? Et le numérique, oui, c'est bien, ça décharge les administrations. Mais ça pose problème, ça surcharge la population et aggrave le non-recours aux droits et donc la pauvreté. Nous demandons des guichets ouverts, humains, avec des horaires élargis et aussi le temps de vous recevoir, de me recevoir. Nous soutenons la proposition de la juriste Élise de Grave qui propose que soit inscrit dans la Constitution, le droit de ne pas utiliser Internet. Mais êtes-vous conscient que les droits sont tellement difficiles à obtenir qu'un service tel que le service 1718 un appel gratuit pour urgence sociale existe pour combattre le non-recours aux droits. D'ailleurs, je vais les appeler. Alors voilà, on le sait, le numérique, le digital envahit notre société. On ne dit pas que c'est inutile, on ne dit pas que ça ne sert à rien, on ne dit pas que ça ne fait pas progresser des choses, mais ça révèle un véritable problème par rapport à l'accès aux droits, ça révèle un véritable problème par rapport à la vie administrative, ça révèle un véritable problème au niveau de la vie relationnelle avec les institutions, les instances, la manière de vivre en société, etc. Et quand Myriam dit « je vais appeler le 17-18 », eh bien, on a des collègues du 17-18 qui sont dans la salle. Il y a des personnes aussi de l'administration wallonne qui sont dans la salle ici et qui connaissent très bien ce numéro 17-18, puisque c'est pendant la période Covid qu'il a été ouvert à l'urgence sociale, en se disant « il y a certainement des gens qui sont particulièrement isolés et qui ont besoin de passer par la ligne téléphonique ». Mais ce qu'on pensait momentané, on est longtemps après, existe toujours aujourd'hui dans une collaboration entre la région wallonne et nous sur l'urgence sociale et voit tous les jours, quelques dizaines de personnes qui s'adressent à ce numéro par impossibilité de pouvoir encore être entendues par rapport à ces droits de quelque façon que ce soit. Donc, la question qu'on voudrait vous poser en vous donnant un temps très court de réponse par rapport à cette question, parce que c'est quelque chose qui choque la population, qui choque les organisations en Wallonie comme à Bruxelles, en Flandre aussi d'ailleurs, on a des homologues qui sont là-dessus aussi. Eh bien, la question qu'on voudrait vous poser, c'est de savoir, est-ce que vous êtes prêt à défendre, et est-ce que vos partis seraient prêts à défendre l'idée d'ouvrir des débats parlementaires et des débats avec les citoyens sur la place du numérique dans notre société, sur la place de la digitalisation, sur la place de la robotisation. Si on vous pose la question, c'est parce qu'elle a été posée en cours de législature et elle n'a jamais été entendue à aucun moment. Alors, il y a eu à Bruxelles, bien sûr, une réaction de la société civile, mais en Wallonie, ça n'a jamais été le cas. Donc, est-ce que dans les parlements, on pourrait au moins parler de ce qui touche directement à la vie des gens et donc à l'organisation de leurs droits et à la démocratie? Et je vais commencer par Geneviève Lazaron, et je vais suivre dans cet ordre-là, et puis on changera. Hein. Vous ne serez pas toujours les mêmes, et vous pouvez approcher le micro, parce qu'on a voulu vous accueillir confortablement, mais vous voyez, vous êtes dans un logement très petit en surpopulation, et donc il faut faire avec. Il faut faire... Pas de souci, je ne suis pas habituée aux grands espaces de toute façon. Mais en tout cas, d'abord, merci beaucoup de l'invitation. Merci et bonjour à toutes pour votre présence et l'organisation. Mais donc, comme les temps de parole sont assez courts, et je serai brève, donc je dirais que pour nous, les engagés, d'ailleurs, nous n'avons pas fait un grand programme philosophique avec des centaines et des centaines de pages. Nous avons résumé le tout, mais c'est un résumé, mais condensé, sur 111 propositions. En 111 propositions qui partent de réalités concrètes, de difficultés pour la plupart du temps, des constats. Les constats, de toute façon, je pense que ce n'est pas à moi de le faire, vous les connaissez mieux. Et le débat parlementaire. Et donc, le débat parlementaire, OK. Parce que, en plus de ça, nous voulons, il est inscrit dans ces propositions, la mise en place d'une agence de droits sociaux, donc pour décharger les CPS, par exemple, pour rencontrer vraiment d'accord. les personnes qui ont des problèmes, la question. Et pour la fracture numérique. Le débat parlementaire avec la société civile. Bien sûr, on est aussi pour le référendum et pour la participation Merci. Citoyenne. Vous avez répondu à la question. Alors, le voisin Fabien. Voilà, bonjour à toutes et à tous. Merci pour l'invitation et merci pour votre présence. Alors, très court, en effet, pour le débat parlementaire, je rappelle qu'au Parlement wallon, sous cette législature, il y a eu, en effet, des citoyens qui sont venus dans l'enceinte du Parlement pour pouvoir débattre. Alors, c'est clair que c'est une première porte, mais c'est light. Donc, en effet, on est pour. Et sur la question, en effet, de la fracture numérique... Il y a en tout cas dans notre programme, dans les 1200 pages de notre programme, une volonté de pouvoir réenclencher le guichet unique en présentiel pour pouvoir justement offrir le service de première ligne aux personnes et surtout, par rapport à ce que je viens d'entendre, l'autonomisation automatique des droits, puisqu'on le sait aujourd'hui, ce qui pose problème, c'est que les gens ont des problèmes pour leur recourir aux droits, justement, et ça, je pense que c'est important de le souligner. D'accord. Alors, on surveillera s'il y a défense de guichet unique, qu'il y en ait assez en quantité et avec du personnel qui soit engagé pour que quand on arrive au guichet, on ne soit pas on ouvre que les après-midi parce qu'il n'y a pas assez de personnel. Mais on a bien entendu qu'il y aurait des guichets, mais il faut qu'ils soient ouverts et disponibles. Alors, qu'est-ce qu'on dit chez Défi, Julia Lemoine ? Bonsoir, bonsoir tout le monde. Merci pour vos témoignages et votre présence déjà. Je voudrais vous dire que c'est une de nos priorités et c'est ce qu'on a fait à Bruxelles déjà, ce débat parlementaire évidemment, oui, avec Bruxelles numérique, en disant que le droit de recourir au numérique doit être un plus. C'est-à-dire que ça ne doit pas être quelque chose auquel on est obligé de recourir, ça doit être un plus pour décharger l'administration, en effet, vous l'avez dit, mais qu'à côté de cela, il doit être obligatoire d'avoir des agents et même plus d'agents au bout du fil ou en direct, pour aider ceux qui n'ont pas envie de recourir à ce numérique, puisqu'il y a une fracture qui se crée dans la population, parfois pour des moyens financiers, mais également une fracture en âge, puisque ma génération, sans doute, est plus habituée à utiliser des ordinateurs, la plus ancienne, moins, et donc il est indispensable pour ne pas qu'une partie de la population soit lâchée, qu'il y ait des gens dans les guichets, et qu'il y ait plus de budget déployé pour avoir des gens de l'administration qui soient là pour épauler, aider ceux qui le veulent ou qui ne veulent pas recourir à un téléphone ou okay. à un ordinateur. Ok, merci. On interrogera le terrain associatif bruxellois pour voir la satisfaction qu'il a après le dialogue musclé qu'il y a eu parfois entre lui, en effet, et l'autorité bruxelloise par rapport à l'ordonnance numérique. Sophie Merck, sur cette question. Nous, bien sûr, on est favorable à ce que les citoyens viennent au Parlement. D'ailleurs, ils le font déjà. Mais ce que je constate, c'est qu'ils ne sont pas toujours écoutés. Par exemple, il y a eu un panel citoyen sur le financement des partis. Ils n'ont pas du tout été écoutés. Les syndicats sont venus. Ils avaient récolté plus de 90 000 signatures pour changer la loi sur les salaires en Belgique. Voilà, ça n'a pas été suivi non plus. Donc, je crois que oui, il faut écouter. Il faut non seulement inviter les citoyens, mais il faut aussi réellement les écouter ou au moins soumettre au vote, par exemple, les propositions qui émanent des panels citoyens. Quoi. Il ne faut pas que ça reste des baraques juste pour parler. Quoi. Et alors, d'accord. Sur les guichets, donc j'entends aussi dire « oui, on veut des guichets uniques ». Ce que je constate quand même, c'est que les 20 dernières années, on n'a vu que des guichets disparaître. Hein, donc ça, c'est le constat sur le terrain. Donc si on veut changer maintenant, je l'entends. En tout cas, pour nous, ce que nous prenons dans notre programme, c'est de dire dans chaque quartier, il faudrait qu'il y ait une maison de quartier où okay. il y a un guichet avec une assistante sociale, où tout le monde peut venir voilà, sans seuil et où il y aurait aussi le Wi-Fi. Donc la personne pourrait aussi, bien sûr, lui-même, par exemple, accéder au Wi-Fi. Bon, voilà, ça c'est une okay, merci. Proposition merci. Concrète. Et sur, merci, Sophie. Oui, voilà. Merci Sophie. Merci Sophie. Je coupe la chose. Merci. Et donc, très bien, on entend bien que parfois on peut être invité au Parlement ou bien arriver à se faire inviter au Parlement, mais que ce n'est pas toujours écouté. On sera attentif à ça. Et d'ailleurs, c'est quelque chose auquel on est très sensible, parce que dans la salle ici, il y a en tout cas un certain nombre d'acteurs associatifs, mais aussi parfois d'opérateurs publics qui ont beaucoup de choses à dire, qui sont souvent sur le terrain, qui sont en analyse avec les gens, et qui peut-être ne sont pas toujours les plus écoutés par l'ensemble de l'autorité publique, alors que l'autorité publique a recours à l'envi à des consultants privés, dont on dirait que parce qu'ils viennent du management privé, ils savent tout, ils ont la science infuse, et qu'on dépense beaucoup d'argent pour les écouter, eux. Et ça, c'est grave pour le tissu associatif. Donc, on veillera au grain par rapport à ça fortement. Sachez-le, c'est quelque chose qui déplaît très fortement à l'ensemble du terrain. Vous financez un terrain, et ça, soyons-en gratifiés, même si ce n'est pas assez, même si hein, parfois, etc. Mais pourquoi ne faites-vous pas confiance, je m'adresse à tous là, hein, à l'ensemble de ce terrain pour pouvoir nourrir valablement le débat politique et la décision politique. Parce que nourrir le débat est une chose, il faut nourrir la décision politique. Alors, qu'est-ce qu'on dit par rapport à la digitalisation, etc., M. Gérard, au MR ? Sur la question de l'accessibilité des parlements et du débat parlementaire, je pense qu'on est ici autour de la table entre partis démocratiques. On m'entend ? Oui, mettez-vous à peu voilà. près. Donc, on est autour de la table entre partis démocratiques, donc je ne pense pas qu'il y a aucun d'entre nous qui fermera la porte à un quelconque dialogue. Alors maintenant, le dialogue, il doit se construire. On l'a beaucoup réclamé pour en faire beaucoup plus autour du digital. Hein, mais bon. Oui, bien entendu. Après, au niveau du digital, c'est vrai que c'est une vraie question de société. Il faut, le digital peut être un atout positif. Il crée aussi oui. la fracture. Je pense que la fracture numérique, tout le monde l'a intégrée et peut avoir ses idées pour essayer de la résolver. Mais en tout cas, ouvrir des débats et avoir des portes ouvertes des partis politiques, ceux qui sont ici autour de la table, je ne pense pas que vous ayez déjà eu porte close de manière générale. Alors moi, je ne vais pas parler des administrations fédérales ou régionales que je connais un peu moins bien, mais vous êtes ici, par exemple, à Namur, et pour avoir travaillé dans les coulisses du conseil communal namurois, je connais un peu la philosophie qui anime, par exemple, l'administration de la ville de Namur, et on a toujours fait en sorte d'ouvrir la porte au numérique et de faciliter l'accessibilité de l'administration via le numérique, mais tout en ayant une attention parallèle et sans qu'on puisse la remettre en cause, à ce que l'entièreté des services demeure accessible de la même manière aux citoyens qui auraient des problèmes d'accessibilité numérique ou même d'autres problèmes, accessibilité en langue. Les agents des guichets d'accueil sont même formés en langue des signes. Et donc, cette philosophie-là, elle doit continuer à être soutenue parce qu'on peut avancer dans un sens sans laisser personne sur le côté de l'autre. Ok, mais s'il y a des bons modèles quelque part, on ira les voir. Ça, c'est sûr. Monsieur Gilles Quinet, pour Écolo. Bonsoir. Je suis impressionné, en fait. Je voudrais vous remercier de l'invitation et des témoignages. Ils sont importants. Une fois qu'on est élu, entre deux élections, on essaye de faire le mieux en fonction de son programme. Mais c'est important de prendre le temps et de s'arrêter. Et pas seulement de ne pas fermer les portes, mais au contraire, les ouvrir. Moi, je pense que c'est vraiment une responsabilité qu'on a de multiplier les rendez-vous, pas seulement au moment des élections, d'ouvrir les lieux de la démocratie à ceux qui prennent des initiatives et de les écouter pour se rendre compte de la réalité que vous nous montrez si on en est éloigné. Et je pense que la fracture numérique est un sujet et je pense qu'il faut des guichets qui rassemblent un ensemble de services, y compris la SNCB, pour ceux qui le diront, j'en ai la charge... à ma place, mais la Poste, l'administration locale, l'administration régionale, pour que les personnes qui sont plus éloignées que nous ne le sommes du numérique puissent trouver là les réponses dont ils et elles ont besoin. Mais faisons-en un débat avec des parlementaires et des non-élus. Je pense que c'est ça qui fera avancer le Schmidt-Bic. Ok, mais on sera au rendez-vous en tout cas après les élections pour revenir à la charge par rapport à ça. C'est sans appel. Il y a une fatigue extrême pour le moment de l'ensemble des travailleurs, éducateurs, animateurs, travailleurs sociaux, volontaires, etc. parce qu'ils deviennent les secrétariats sociaux des gens. Et donc ça, c'est terrible. D'abord, ça leur bouffe leur temps de travail. Deux, ça... ça impose aux gens de s'occuper de la vie privée en allant loin dans la connaissance de la vie privée des gens. Et trois, ce n'est pas normal, j'ai envie de dire, qu'on en vienne un peu comme dans les banques, à faire le travail de la banque à sa place, et pourtant de payer cher le service. J'espère bien qu'on est dans l'enjeu des services publics, mais qu'on ne peut pas aller dans ce sens-là. Donc merci pour vos apports. Alors vous voyez que vous êtes installé aussi, alors j'espère que vous n'avez pas les pieds mouillés parce que dans le fond vous êtes installé sur de l'eau, alors de l'eau bleue, de l'eau vaseuse, de l'eau. Et c'était important qu'on vous installe sur de l'eau et qu'on soit dans l'eau parce que c'est quand même pas possible d'avancer vers une prochaine législature en tournant la page des inondations au sens en ne se demandant pas ce qu'il y a à faire de beaucoup mieux, de beaucoup plus, et notamment comment arriver à régler ces questions essentielles de reconstruction et de tout ça en tenant compte des inégalités. Au réseau Wallon de lutte contre la pauvreté, on est très sensible à la question parce qu'on connaît des personnes qui sont restées totalement désœuvrées aujourd'hui. Et pour vous en parler, on va aller dans la salle et on va aller vers Pascale Pierrard. Pascale Pierrard qui est directrice du Centre culturel Ourthe-et-Meuse. Vous voyez que les alliances avec la culture, chez nous, c'est fort. Hein, vous avez vu qu'on a commencé en chanson, on est avec un centre culturel, et il y en a encore d'autres. Et c'est important. Ce sont des lieux qui ont une puissance aussi et qui ont des raisons de s'exprimer et qui font mille et une choses dans les possibilités de travailler avec la population. Alors, Pascale a la parole et elle va partager une série de paroles d'habitants qui ont été touchés par les inondations. Effectivement, des paroles d'habitants qui ont été collationnées dans le cadre d'un projet avec le PAC à Liège. Il se pourrait que je vive un deuxième événement de ce type au cours de ma vie. Une autre personne dit « Un des enseignements qu'on doit retirer de ça, c'est de prévoir une marche à suivre en cas d'inondation. » Un des bénévoles a craqué. Il n'arrivait plus à voir les problèmes des gens. J'espère que je vais être remboursée le plus vite possible. Tout le monde est pratiquement toujours en travaux, partout. Après un certain temps, les victimes se sentent oubliées. On ne parlera plus d'elles alors que beaucoup n'auront pas retrouvé leur habitation et seront toujours dans des difficultés matérielles. C'est cette question, dans la durée, que ce soit par les proches mais aussi avec les assurances, qui est problématique. la personne ne se sent plus nécessairement victime des inondations, mais plutôt du système. Les assurances pourrissent la vie des victimes qui doivent tout reconstruire et sans cesse se justifier. Il a regardé vite fait à l'intérieur de ma maison et il m'a dit tout de suite « Ne croyez pas qu'on va vous offrir une nouvelle maison. » Ces gens-là comptent sur notre fatigue. Je veux une voix qui me réponde. Je veux quelqu'un qui me parle. Merci. Merci Pascal. Pascal va être suivi directement de la prise de parole de Jacques Teller, qui est notamment professeur d'aménagement du territoire à l'ULG. Voilà Jacques. Merci beaucoup. Je prends la parole donc, suite au travail que nous avons réalisé dans le cadre du bassin versant de la Vesse, qui a fait l'objet d'une réflexion assez approfondie à la suite des inondations en juillet 2021. Un schéma stratégique a été mis en place pour organiser la reconstruction de l'ensemble de la vallée. Le schéma a été porté par la région Hollande. Il a été réfléchi en coordination avec des acteurs de terrain, des habitants, des communes. Ça permet aujourd'hui de cadrer un certain nombre d'interventions, autant dans les fonds de vallée que sur les plateaux. Et le schéma se base sur une logique de solidarité entre habitants plus aisés, habitants plus défavorisés, entre les plateaux et les fonds de vallée. Le schéma stratégique a par ailleurs posé les balises d'une révision des plans de secteur. C'est une condition indispensable à la mise en place d'une politique d'aménagement du territoire plus juste et plus résiliente. Alors nous, acteurs universitaires, nous nous interrogeons à présent sur les moyens qui seront dégagés dans les années qui viennent pour implémenter ce schéma. Il s'agit autant de moyens financiers qu'humains afin d'accompagner la transition qui a été esquissée. Il s'agit en particulier de soutenir les habitants dans leur démarche de recherche d'un logement digne, de transformation du logement qu'ils occupent, parfois à titre précaire. Les différents programmes et plans adoptés prévoient des acquisitions d'immeubles sans toujours proposer des solutions de substitution pour les ménages concernés. Une situation d'autant plus injuste que certains d'entre eux ont déjà réinvesti dans leur logement à la suite des inondations. Il est par ailleurs assez difficile pour certains ménages d'adapter leur logement au risque d'inondation. Les coûts engendrés par ces mesures sont importants. Et à la différence de la transition énergétique, et on peut discuter aussi de la transition énergétique, mais je vais m'intéresser aux inondations aujourd'hui, il n'existe aucune aide ou subside pour faire face au coût des travaux liés aux inondations, à l'adaptation du logement dans le cadre actuel, d'autant que bien souvent ces travaux sont réalisés par les habitants eux-mêmes, une situation qui n'est que trop peu couverte par les mécanismes d'aide actuels. Alors, deux types de questions se posent à l'issue du travail que nous avons mené sur la Vesse. Première question, par rapport à la vallée de la Vesse en tant que telle, que proposez-vous pour faciliter la transformation des logements dans la vallée? Comment soutenir le public précaire qui a été durement frappé par les inondations? Quelles structures collectives pourraient être mises en place pour accompagner cette transformation de manière solidaire et pérenne, considérant que les communes à elles seules ne pourront pas y arriver? Il est nécessaire de mettre en place des structures à l'échelle supracommunale pour encadrer la transformation de la vallée. Et au-delà de la vallée de la Vesdre, quels seraient, selon vous, les territoires prioritaires pour la réalisation d'un autre schéma stratégique? Faut-il attendre une nouvelle inondation pour mettre en place un schéma stratégique? Quelles seront les mesures proposées pour prendre en considération la vulnérabilité des populations les plus précaires dans ce type de document? Et surtout, comment intégrer les populations invisibles dans ces schémas, ces démarches? Merci Jacques. Alors, rassurez-vous, on ne va pas vous demander de répondre à ces questions. Les questions font partie du constat. Les questions montrent l'amplitude et la béance qu'il reste face à ce problème qui a été vécu et qui vient encore. Et les questions, elles illustrent aussi une transversalité puissante qui existe comme outil à la disposition de l'autorité publique pour pouvoir travailler valablement, pour bien gérer les choses à l'avenir. Le monde académique, le monde associatif, la population, etc., qui se sont réunis dans le champ de ce travail-là. Et donc ce qu'on voulait, c'est dire, c'est vraiment important, il y a du lourd derrière qu'il est possible d'utiliser, on espère que vous allez en faire quelque chose, et Alison, qui a connu elle-même les inondations, va vous poser une question à laquelle on vous demandera de réagir de façon très courte, puisque vous l'avez bien compris, ça devrait faire l'objet d'un débat à part entière, surtout d'une soirée, et bien plus qu'un débat. J'ai été moi-même victime des inondations. Vous venez d'entendre la parole de personnes de la région liégeoise et un professeur d'université. Nous, les citoyens concernés, nous voudrions savoir si votre parti est prêt à défendre un budget qui permettrait de réaliser ce qui vient d'être expliqué. Voilà. Alors, la réponse est sûrement compliquée, mais on vous demande d'être très court, quasiment en oui, non et une petite nuance. Parce qu'on sait qu'il faut en parler autrement et bien plus gravement que ça. Tu on est bien dur, d'accord. Tu es dur avec nous, Christine. On commence par Georges Pinet. On commence par le milieu. Donc on va commencer par Sophie Merckx. Ben, on va changer. Hein. Oui, je pense que c'est nécessaire, bien sûr, de mettre le budget là-dedans qui est demandé. Et on voit effectivement l'expertise qui a été mise sur le terrain. Moi, ce que je voulais dire par rapport à ce qui s'est passé dans la vallée de la Vestre, ce que j'ai vu peut-être très brièvement, c'est que j'ai constaté qu'en fait, finalement, les gens, ils étaient à l'abandon, mais ce que j'ai vu de concret, c'était que les gens, entre eux, étaient solidaires. Et on a vu énormément de gens, les citoyens, se bouger entre eux, les Flamands aussi, okay, qui sont allés dans la Vestre. Okay, et en tout cas, d'accord, je crois que ça, c'est aussi un message positif. En tout cas, on ne doit pas abandonner le dossier. Et les autorités, je crois, que, et les assurances, ils ont abandonné les gens. Ok. Alors, si on vient vers Julien Lemoine. Alors oui, évidemment, et de façon plus globale aussi, il faudrait faire en sorte que personne ne vive dans les logements qui soient précarisés ou en état insalubre. Alors, est-ce que... On viendra sur le logement après. Mais une toute petite nuance. Je pense que oui, il faut investir là-dedans, mais que les assurances n'ont pas rempli pleinement leur rôle et qu'il faudrait être beaucoup plus ferme avec les compagnies d'assurance dans ce cas majeur de dégâts pour qu'elles interviennent de manière conséquente. Ce n'est pas tout le temps au public de venir intervenir avec des fonds. Et il faut forcer la main via le pouvoir public aux assurances pour le faire. Défi autour de la table avec ces acteurs qui se battent pour pouvoir obtenir des victoires comme celle-là. Oui. Qu'en dit le PS ? Mais tout simplement, je voudrais démentir ce que le PTB dit. Nous avons été au rendez-vous avec Écolo, notamment, et l'UMR, des dramatiques inondations et conséquences climatiques que nous avons connues historiquement sur la Wallonie. Nous avons été au rendez-vous. Nous avons imposé aux assurances de prendre en charge ce qu'ils ne voulaient pas prendre en charge. Je pense qu'il faut quand même le rappeler. Mais la reconstruction, parce qu'on est sur la reconstruction de la Vestre et des autres vallées et les perspectives d'avenir. C'est important de dire que d'importants moyens ont été consacrés, même si ce n'est jamais assez. Mais on nous reproche aujourd'hui de dépenser et de dire que la Wallonie va mal. Si elle va mal, c'est parce qu'elle a supporté les crises et qu'elle n'a pas voulu se défiler. Okay, je pense que c'est important de le dire. Est-ce que c'est important de reconstruire ? Et naturellement qu'il faut reconstruire. 41 millions d'euros ont déjà été consacrés dans la reconstruction de logements grâce au ministre Collignon. Et c'est aussi important de le souligner. Ok, ça va. Mais il y a des choses qui ont été faites, on est bien d'accord. Mais on est obligé de constater qu'il y a des gens qui restent dans le jus, pour prendre une mauvaise expression, et pas qu'un peu. Et que le risque d'une reconstruction dans laquelle il n'y aurait pas un investissement important de l'État... Eh bien, ça pourrait être une reconstruction au profit des plus forts. Et donc, les plus forts, ils sauveront toujours leur peau au-dessus des vallées. Hein. Donc, comment est-ce qu'on fait pour gérer tout ça ? Donc, voilà. Et donc, Mme Lazaron, investir sur la reconstruction. Oui, bien sûr, investir sur la reconstruction. Et aux engagés, on propose une TVES, c'est-à-dire une taxe sur les valeurs environnementales et sociales. Ça veut dire que tous les pollueurs seraient payeurs. Toutes les personnes qui n'ont pas respecté, notamment des aménagements du territoire, auraient une taxe. Et cet argent pourrait resservir à un fonds de solidarité. Ok, alors il faut aller vite pour appliquer les taxes, etc., du pollueur-payeur, parce que les années passent et donc les choses se réinstallent et le prochain événement pourrait arriver. On va passer alors de l'autre côté. Le MR, qu'en dit-il de cette réalité-là ? Investir sur de la reconstruction. Et bien sûr, est-ce qu'on reconstruit autrement ? Comment est-ce qu'on fait ? Et comment est-ce qu'on fait pour que ça ne soit pas Je pense que l'enjeu principal, c'est surtout comment est-ce qu'on reconstruit autrement et comment est-ce qu'on réanalyse notre territoire. Et donc par rapport à ça, suite aux inondations et suite même à d'autres types de catastrophes naturelles, ça génère systématiquement des réflexions. Et surtout, on voit ici qu'il y a des réflexions qui ont suivi. Hein, le schéma de développement du territoire qui vient d'être approuvé cette semaine au niveau de la région Wallonne, qui donne aussi toute une série de réponses à ces questionnements. Mais il faut aussi peut-être rendre des règlements un peu plus contraignants, parce qu'il faut savoir qu'il y a toute une série, je connais un peu moins la réalité du bassin de la Vestre, mais par exemple en province de Namur, la province de Namur est compétente pour ce qui est de questions en matière de cours d'eau, mais son avis n'est pas contraignant. Donc si jamais on remet, l'administration remet un avis négatif en disant attention, vous construisez en zone inondable, que okay. la personne le fait quand même, ou que le groupement le fait quand même, ou okay. que le camping s'installe, l'avis n'est pas contraignant. Donc c'est, voilà, il faut peut-être commencer donc, à mieux connaître son territoire et oui. adapter le territoire à tous les risques. Parce que demain, s'il pleut dans le sud de la province de Hainaut, okay. la vallée de la Vesse aura les pieds secs et le sud de la province de Hainaut sera les pieds dans l'eau. Une manière de mieux connaître son territoire, c'est de connaître le territoire lui-même, mais c'est quand même aussi de se servir de tout ce qui a été découvert, analysé, etc. et de permettre que ce qui a été découvert, analysé, construit, dans lequel les gens sont impliqués, tout ça, puisse se réaliser. Les outils académiques sont consultés de manière régulière. Hein. C'est pas, oui. C'est pas arrivé en 2021. Oui, oui, d'accord. Georges Gilkinet pour Écolo. Cet exemple illustre surtout le coût de l'inaction en matière climatique et le fait que ce sont les plus fragiles qui sont les premières victimes. C'est pour ça que nous plaidons pour un investissement massif pour éviter le réchauffement de la planète et toutes ses conséquences sur la biodiversité et sur les plus fragiles. Et ça inclut évidemment la question du logement. On doit d'abord s'interroger sur l'endroit où on doit installer les logements et permettre à chacun de vivre dignement dans un logement. J'ai compris que ce sera un autre sujet. Évidemment, les pouvoirs publics, ça veut dire nous tous, doivent intervenir sous forme d'investissement. Sinon, ça coûtera beaucoup plus cher, ce sera beaucoup plus douloureux, mais c'est aussi des normes. C'est où on va se loger demain en fonction du risque climatique, que la Vesle déborde une nouvelle fois ou d'autres rivières, mais comment on va le faire? Et là, ça nécessite des investissements. C'est ce que nous plaidons de façon forte. Le pouvoir public okay. doit intervenir pour que chacun puisse vivre dignement okay, dans ce contexte de réchauffement merci, climatique. Merci Georges. Okay, on va avancer dans le débat. On sait que les inondations, c'est compliqué. On sait que ce que Jacques Teller a mis sur la table, c'est une grande complexité. Mais l'appel ici, c'est un peu de dire il y a des gens qui sont déjà loin dans la réflexion de la complexité. Bien sûr, il y a des interactions avec l'autorité publique. Mais il y a parfois aussi un peu l'impression que il y a des mondes qui ne se rencontrent pas assez et puis qu'à un moment donné, le passage à l'acte est un problème. Le passage à l'acte pour concrétiser ce qu'on étudie, ce qu'on analyse et ce qu'il faut réaliser. Alors on va entrer dans la thématique c'est des thématiques connexes mais qui touchent au sans-abrisme et à la réalité d'être sans chez soi. Alors, dans la salle suivante où vous êtes, vous ne le voyez pas, mais à la première rangée ici, on a des personnes qui sont sans-abri, des personnes qui sont sans-abri parce qu'elles sont transmigrantes, qu'elles sont à la rue ou qu'elles sont de passage chez nous et qu'on ne sait pas les accueillir dignement, des personnes qui sont de chez nous, des hommes, des femmes, des personnes qui travaillent avec ces personnes sans-abri, des infirmières et infirmiers de rue qui sont ici avec nous, SALSA qui est ici avec nous, le syndicat, un des syndicats des personnes sans-abri qui se structurent en Wallonie sur Liège. Et il y a un embryon sur Namur, un embryon sur Charleroi, et puis il y en a un sur Bruxelles, évidemment. Et puis, est-ce que j'oublie quelqu'un Olivier, je te regarde, non Oui, S13, qui est dans l'accueil des personnes en transit dans la Basse-Sambre, qui est avec nous. Alors, rappelez quand même, donc on vous a équipé si jamais vous deviez partir et vivre dans la rue, si on ne vous ouvre pas la porte en rentrant chez vous ce soir et qu'on dit « Attends, je n'ai plus envie de te recevoir », ben, il y a une couverture, il y a de quoi tenir un petit peu, quoi, comme ça vous êtes équipé également. Mais rappelons quand même que le dénombrement qui vient d'être fait récemment conduit à des chiffres quand même qui sont assez effrayants, hein, plus de 46 000 personnes pour la Belgique. Ces 46 000 personnes, c'est 19 000 en Wallonie, dont 4 700 enfants, recensement récent, hein, tout à fait récent. Autant en Flandre, avec 6 000 enfants. Donc, la Flandre, parfois, on dit c'est brillant, tout est brillant, ça dépend pourquoi. Et à Bruxelles, on est autour de 7 000, toutes personnes confondues. Donc c'est absolument astronomique. Et aujourd'hui, les réponses qu'on trouve, elles grimpent à cette hauteur-là quand l'augmentation du sans-abrisme va à cet endroit-là. Alors, pour nous en parler, on va écouter Christine et Jay, que Marie-Claude va accompagner, qui vont venir ici près de nous. Christine et Jay, qui font partie de Vie Féminine et qui font partie d'un groupe particulier qui s'appelle Nanatois, hein, donc les nanas qui ont quelque chose à dire et qui vont vous dire un slam qu'elles ont écrit qui a quelque chose à voir avec leur vie. Voilà, Christine et Jay, mettez bien les micros tout près de la bouche. Bonsoir. Femmes en galère, logement précaire, le prix d'un toit nous met en émoi. Logement trop cher, femme en colère. Le prix du logement nous saigne combien de fois ? Prix d'une vie de labeur ne tient qu'à un fil. L'augmentation n'a de cesse, mais quelle bassesse. Conditions précaires, de mauvais propriétaires, nous ne pouvons nous taire. Comme chez nous, sans l'être. Comme chez eux, où le pognon ne fait pas que les yeux. Élevons nos voix contre tant d'injustices, femmes en souffrance, femmes en errance. Accueil du jour, accueil de soirée, accueil de nuit. Sans être sûr d'avoir une place, trop de présence, trop de nuitée, pas de place. Femme à la rue, violence accrue. Un vol et ta vie disparaît. Femme sans abri n'a pas de répit. Trimballer son sac comme un fardeau de gauche à droite. Passer inaperçu par peur d'être vu. Une agression et retour à la case départ. Femme en détresse, il faut que ça cesse. Un logement est un droit, c'est un but en soi, mais le point de départ. Tous ensemble, tous ensemble, hé, hé, tous ensemble, hé, hé. Merci. Merci Christine, merci Gilles. Avec Vie Féminine, on s'intéresse à la question du sans-abrisme, car il faut savoir qu'il y a 20 à 30% des femmes qui sont dans la rue. Cependant, il n'y a que plus ou moins 2% de places uniquement pour les femmes en abri de nuit. Donc nous sommes en minorité. Voilà. Merci Gilles. Merci Christine. Alors vous l'avez entendu, c'est une question qui se traite au féminin aussi. C'est la réalité que vous avez connue, c'est la réalité contre laquelle vous vous battez aujourd'hui. Et on va entendre maintenant Pierre Reichmans qui travaille avec infirmière de rue. Bonsoir. Je voudrais vous donner mon témoignage en tant que médecin. J'ai travaillé avec Médecins sans frontières à l'étranger et puis en Belgique. Médecins sans frontières, c'est l'accès aux soins. Donc en Belgique, on essayait de remettre en ordre les droits. On soignait les gens tant qu'ils n'avaient pas de droits. On donnait parfois des médicaments. Voilà, on s'arrange pour qu'ils aient accès aux soins. Et ça s'arrêtait là. Et pour moi, c'était logique. Donc quand les gens disaient « oui, mais je suis aussi à la rue », on disait « ah oui, mais ça, c'est pas nous ». Et moi, je pensais « oui, ben, le logement, c'est un truc social, en fait. Ça n'a rien à voir avec la santé, ça n'a rien à voir avec la médecine ». Et puis, j'ai commencé à travailler avec infirmier de rue. Et là, on ne reçoit pas simplement les gens dans un cabinet de consultation. On suit les gens dans la rue et quand on ne les retrouve plus, on va les chercher, on va voir où ils sont. Et en fait, on faisait aussi de l'accès aux soins. Et une fois que les gens avaient accès aux soins, ils allaient chez leur généraliste, ils avaient des médicaments, etc. On se disait, ben voilà, notre tâche a terminé en tant qu'infirmier de rue. Et puis, assez vite, au bout d'un an et demi, on s'est rendu compte qu'il y avait des patients jeunes qui mouraient quand même dans la rue, même si ils avaient accès aux soins et ils en faisaient l'usage. Et donc, on s'est rendu compte que la rue tue en tant que telle. Pour toutes sortes de raisons. Parfois, c'est une raison, parfois, c'est l'autre. Parfois, on ne sait pas exactement quelle est la raison. Mais la rue tue. On meurt en rue parce qu'on vit en rue. Et on meurt beaucoup plus tôt. On perd en moyenne 30 ans d'espérance de vie. quand on vit en rue. Et donc, voilà, ça, c'était le premier déclic, je dirais, le déclic de notre association. Et donc, on a, à partir de ce moment-là, on a commencé à consacrer aussi des efforts pour remettre les gens en rue et les accompagner en logement et les accompagner en logement. Mais moi, j'avais toujours pas compris, en fait. Il m'a fallu plusieurs années après qu'on ait commencé à mettre les gens en logement pour me rendre compte à quel point le logement, c'est un traitement. Et pour moi, maintenant, le logement fait partie, et c'est une grande partie du traitement. Parce qu'en fait, en rue, on ne peut rien soigner. On ne peut pas soigner une addiction. On ne peut pas soigner un ulcère de jambe. On peut le soigner, mais on ne peut pas le traiter. On ne peut pas traiter une addiction. On ne peut pas vous débarrasser d'une addiction tant que vous êtes en rue. Ce n'est pas possible. On ne peut pas soigner un diabète, un insulino-dépendant en rue. C'est dangereux même de soigner. On ne peut pas soigner une hypertension. Alors qu'en logement, une fois qu'on est en logement, on a l'intimité, on a la sécurité, on peut manger, on peut faire des réserves de nourriture, on peut se reposer, on peut ne rien faire, on peut se distraire, on peut accueillir des gens, avoir des amis. Enfin, tout redevient possible et au niveau de la santé, ça change tout. Et donc pour moi, il a fallu quand même des années avant que je comprenne ce lien qui maintenant me paraît évident, mais qui peut-être pour certains médicaux ne l'est pas encore... Tout à fait. Le lien entre le logement et la santé mentale, la santé physique. Voilà. Merci Pierre. Dans la foulée de Christine de Gé et de Pierre, Jean-Luc va vous adresser une question à ce propos. Jean-Luc. Bonjour à tous. Alors, nous avons entendu certains récits par lesquels on constate que les personnes sans chez soi subissent de multiples violences. C'est intolérable. C'est intolérable. La Belgique a signé la déclaration de Lisbonne de 2021 qui prévoit l'éradication du sans-abrisme en 2030. 2030, c'est demain. Nous connaissons bien la réalité et nous avons difficile à y croire. Surtout si vous ne mettez pas les bouchées doubles, voire triples. La question est donc, est-ce que votre parti en fera une priorité lors de la prochaine législature à tous les niveaux de pouvoir ? À tous les niveaux de pouvoir. Si oui, quel plan proposez-vous, tant à un niveau préventif que curatif, afin d'arriver à ces objectifs ? La suite la fois prochaine.